Papa, papa, avec Thibob, on aimerait bien que tu fasses une émission sur les jeux masques. Excellente idée. Ordinateur, sélectionne les agents masques les plus aptes pour cette mission. Personnel sélectionné. Nicolas Simpson-Jones, ingénieur spécialiste en collection de verres à Mora. Se perd régulièrement dans le TARDIS. Nom de code Nico. It was Valentine's Day. It was Valentine's Day. So what did you do? Oh, sorry guys, I've gotta go. Mikado Twix, expert en trouvailles en tout genre, fan éternel devant le grand héros cornu. Nom de code Hectarus. Alors moi je voulais dire que c'était vraiment un jeu culte, hein, vraiment, c'est un jeu que j'ai vraiment fait à l'époque. Et concernant le prix de l'escroc... excusez-moi, je dois vous laisser. Romain Doyle, R.S., collectionneur de jouets peints à la peinture au plomb. Maître Splinter et son mentor. Nom de code Archeotoy. Hey, bienvenue à tous dans Archeotoys, l'émission qui réveille les Noëls de ton enfance. En cette période de... Ah non, ça sonne. Désolé, oui, non, il faut que j'y aille. On en finira de tourner tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue à 80s le podcast pour ce nouveau cadeau bonus. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait. On s'est dit tiens, on va faire un petit numéro de Noël. Et pour m'accompagner sur ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Nico. Comment tu vas, Nico ? Eh ben, ça va super bien. Et le sujet s'y prétend complètement parce que nous allons parler de la cultissime licence de jouets masques. J'ai enfin le plaisir de recevoir Romain de la chaîne YouTube Archeotoy. Alors comment vas-tu, Romain ? Eh ben, une pêche d'enfer, c'est un plaisir de venir boire un petit vin chaud avec vous pour Noël. Oui, tout à fait. Et puis en plus, ça va parler un petit peu de joujou, donc je pense que c'est un peu ta partie. Et pour qu'on soit trois sur cette émission, je pense que Nico et moi, nous sommes très clients. Alors pour vous dérouler un petit peu ce sommaire d'émission, donc on va avoir un petit entretien sur Romain, on veut tout savoir de toi, de cette passion, pourquoi une chaîne, etc. etc. Ensuite, bien évidemment, on parlera du dessin animé Mas, parce que c'est quand même étroitement lié à la gamme de jouets, ou l'inverse, hein, c'est le jouet qui est étroitement lié au dessin animé, nous verrons. Bien évidemment, on enchaînera sur notre gros dossier qui est la collection de jouets masques. Et enfin, on clôturera ce cadeau bonus sur est-ce que les jouets étaient de qualité, est-ce que aujourd'hui c'est plaisant à posséder ou pas, etc. Alors, Romain, donc déjà, moi j'ai une grande question parce que pour être tout à fait honnête, on en a parlé un petit peu en préparant l'émission. Je suis pas du tout client de ce qui est vidéo YouTube. En revanche, je prends beaucoup de plaisir à regarder tes émissions, c'est sincère, hein, c'est pour ça que je me suis permis de te contacter. Mais moi, j'ai une grande question, parce que tu m'as l'air bien jeune quand même pour parler de jouets masques qui ont au minimum 30 ans. Donc, la question que vraiment on se pose, quel est ton âge, Romain ? Eh bien, j'ai 31 ans. Donc, j'ai l'âge de masque, en fait. D'accord. Donc, en fait, tu es en train de nous faire une émission sur des jouets que tu as connus quand tu avais un an. Alors, j'ai la chance d'avoir eu des cousins qui ont été submergés de jouets dans leur enfance. Et du coup, j'ai pu récupérer, étant petit, une partie de leur collecte. Et même si je n'ai pas eu de masque sous le sapin, j'en ai bien eu dans mon coffre à jouets. Et puis, la série a été rediffusée extrêmement longtemps, hein, je crois, jusqu'en 95 ou 96. Donc, ouais, au final, je dois être un des rares gamins nés en 85 à avoir joué avec des masques dans son enfance. D'accord, donc, parce que c'est vrai quand on a le plaisir de voir tes émissions, on sent vraiment que tu connais tes dossiers et que tu as un réel affect sur l'objet. D'ailleurs, en parlant de ça, on te sent passionné par le jouet, mais est-ce que tu es collectionneur, Romain ? Alors oui, je suis collectionneur à la base, en fait, et pour tout vous dire, Arkeo Toys, c'était un peu l'excuse pour continuer à collectionner en disant « Ouais, mais allez, c'est pour l'émission. » Quand tu te dis collectionneur, c'est quoi tu te fais plaisir de racheter des jouets qu'on dira vintage, donc qui ont une trentaine d'années, plutôt des trucs récents. Enfin, t'as quelque chose en particulier qui te fait plutôt vibrer plus que d'autres jouets? Alors, j'ai commencé, je pense, comme une grande partie de ma génération à collectionner les figurines Chevaliers du Zodiac au début des années 2000, avant qu'il y ait les Might Claws. On rachetait les vieilles figurines des années 80 qui valaient une vraie fortune à l'époque. J'en ai amassé un petit paquet et j'ai commencé ensuite à faire les brocantes, en fait, tout simplement. Donc, oui. J'ai commencé à acheter ce que je trouvais, tout simplement. J'ai aussi démarré des collections de figurines modernes, mais ça ne me plaisait pas, en fait. J'avais du mal à comprendre l'aspect collection d'un truc qu'on peut trouver en magasin. Et ça se trouve, ces objets auront un côté collectif dans une quinzaine d'années, peut-être, non? Oui, mais dans ma démarche à moi, pour moi, ce ne sont pas des objets de collection, mais vraiment des objets pour collectionneurs. Alors, à l'occasion d'en discuter, pas des jouets. Si ça vous dit, c'est clairement plus des jouets. Là, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, ça va être tout ce qui va être commercialisation, tout ce qui va être un peu sociétal. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix marketing-là? Quelle influence ont eu ces choix-là sur les adultes que nous sommes devenus? Et du coup, au-delà du simple objet, plein de tortues ninja sur une étagère, comprendre pourquoi j'ai besoin de tortues ninja sur mon étagère. Ouais, mais moi je te comprends. Si un jour tu me dis que tu me trouves un Goldorak jumbo qui traîne dans ta cave, moi tu peux m'appeler, je suis client. Alors moi j'ai quand même une petite question parce que de par tes vidéos, on arrive un petit peu à entrevoir tes différentes collections puis tes passions. Déjà, est-ce que tu as une pièce maîtresse que tu as, que tu recherches vraiment, tu dis celle-là un jour elle sera mienne? Bah, pas vraiment, j'en suis au point où je commence à me dire que j'ai un peu terminé. C'est beau. Disons que j'ai tout ce que je désirais. Je pense que je peux le révéler à vous, messieurs, sur ce podcast que j'aime tout particulièrement. J'ai eu le plaisir de choper la pièce ultime, mon Graal, le truc que je ne pensais jamais avoir. C'est un décor de magasin distribué uniquement en Belgique, donc pas vendu, mais prêté au magasin, pour la commercialisation des figurines Tortue Ninja. Donc c'est un truc qui fait 1m50. Je connaissais son existence, mais j'en avais jamais vu en photo. Mm-hmm. Et grâce à l'émission, il y a 4 mois maintenant, on m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait. Je peux vous dire que si j'avais dû partir en Belgique le chercher moi-même, je l'aurais fait. Et en plus, ça a été une très belle affaire, ça a été une très belle rencontre. Donc j'ai déjà mon Graal. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me permets de faire la mission maintenant, parce qu'en fait, je n'ai plus l'œil du... Disons qu'il n'y a plus de désir derrière les jouets. J'ai tout ce que je voulais. Donc maintenant, je peux me permettre de parler de trucs qui ne m'intéresseraient pas forcément moi, mais qui ont un côté croustillant, qui sont intéressantes. J'essaie de sortir de l'affect de ma collection personnelle. Je pense que je n'aurais jamais acheté de Princesse Starla si j'avais Arkeo Toys derrière. Et c'est ça, en fait. Je trouve ça encore plus passionnant de maintenant me forcer à m'intéresser à des trucs dont je ne suis pas du tout la cible. Là, c'est vraiment mon kiff du moment. Et en faisant l'émission, est-ce que tu as déjà découvert des gammes de jouets que tu avais complètement zappées à l'époque et que tu as vraiment trouvées excellentes? Alors, rarement, c'est vrai que je collectionne les toys depuis un bout de temps, donc il y a des trucs que j'ai pu oublier, ou des pièces précises où tu te rends compte, ce personnage-là existe en jouet, mon Dieu, quelle honte. Le dernier, ça doit être Morgan, un des méchants dans Robocop, l'Astérix. Un type qui a la peau toute bouffée par l'acide. Ouais, c'est vrai que quand je suis tombé dessus en jouet, je me suis dit, ils l'ont édité en jouet. Ouais. Tu parles de celui qui est dans le premier Robocop, là, qui se fait déglinguer par la voiture à la fin. Oui, mais du coup, c'est la version de la série télé. D'accord, j'ignorais totalement. Ouais. Ça va être plutôt ce genre de truc. Après, il y a des choses qui m'ont surpris. Même de jouer à Alien de 92, par exemple. Carrément. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je ne le savais pas, qu'elle était issue d'un dessin animé qui avait été annulé, en fait. Personne ne l'a jamais vu, il n'y a qu'un premier épisode qui a été produit. Pourtant, on a eu 5 ou 6 séries de jouets. Et du coup, apprendre ça, ça m'a un peu choqué. Un dessin animé Alien en 92, je pense que ça aurait changé ma vie. Bah après, c'est un grand classique des années 80 où effectivement, ils transformaient des films ultra-violents du style Robocop ou Alien, pour ne pas les citer, en gamme de jouets pour enfants de 8-12 ans. Quoi. C'était complètement hallucinant. Il y a des gammes de jouets particulièrement... Mais c'est vrai que le mec fondu de Robocop... Ah oui, et les... alors l'espèce de truc G.I. Joe là. Oui, oui, les Chuck Norris ressemblent à des G.I. Joe. D'ailleurs, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à mon camarade Toy Kitsch, qui fait lui aussi des vidéos sur YouTube, qui vient d'en faire une sur les jouets Chuck Norris. C'est assez détaillé, c'est vraiment très cool. Il y avait Rambo aussi qui a été adapté comme ça, en jouet. Les jouets Rambo ont connu des polémiques. Alors on pourrait se dire, mon Dieu, c'est vrai que tuer des petits Vietnamiens quand on a 7 ans, c'est mal. Et en fait non, c'est qu'ils avaient mis un personnage de musulman, d'arabe, avec un espèce de chèche sur la tête. Et du coup, ça avait été interdit aux États-Unis. On ne joue pas avec les Arabes. D'accord. On peut tuer du Vietnamien en veux-tu en voilà, mais on touche pas aux Arabes. Bah, c'était pile poil au moment de la guerre du Koweït. Ouais. Donc, c'était peut-être pas du meilleur goût, on est d'accord. En tout cas, Romain, moi, c'est un truc que je voulais te souligner. Là, je te parle en vieux quadra qui a beaucoup de mal avec les petits jeunes youtubeurs. C'est qu'il y a un truc que tu ne fais pas. C'est que tu ne fais pas ce qu'on appelle des jump cuts. Ah. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un loupé qu'on laisse à l'image. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des coupures assez violentes de mise en scène qui, personnellement, ne me satisfait pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais te le dire, c'est encore une fois absolument pas dans le sens du poil. Je conseille à nos auditeurs très très très chaudement de regarder tes différentes vidéos. Et en plus, si tu nous donnes une petite exclusivité sur ta prochaine vidéo, je suis client. Alors, je te remercie. Je dois t'avouer qu'on a mis quand même quelques jump cuts dans les deux premières vidéos, mais on a arrêté assez vite. On s'est rendu compte que ça ne servait vraiment pas le récit. Le jump cut, c'est tout bête, hein. C'est histoire de réveiller un petit peu le viewer ou de donner un petit effet de style pour parler avec, pour faire deux personnages en même temps, genre de choses. Et c'est vrai que c'est quand même très marqué web. Pour répondre à ta deuxième question, et alors l'exclu, je vous l'avoue, messieurs, on a déjà annoncé qu'on allait sortir une vidéo sur Tuninja là, dans les jours à venir. Eh bien, deuxième exclu de dingue pour Noël. Et là, vous êtes les premiers au monde à le savoir. On prépare un hors-série sur Toy Story. Il y a des trucs à raconter, je pense. Alors, ce sera sur la production de Toy Story. Il ne sera pas sur le film en lui-même. Il y avait déjà pas mal de choses à raconter. Et allez, deuxième exclu, parce que c'est Noël. On va avoir quelques guests qui viennent pour une scène de fin qu'on espère aussi bien que dans nos têtes. Ah, un petit cliffhanger. Alors, ça devrait être sympa, ouais. On devrait même un crossover, on peut appeler ça comme on veut. On devrait avoir quelques autres youtubeurs de chaînes diverses et variées qui viendront faire un petit coucou pour Noël. D'accord, bah écoute, on sera en rendez-vous. Alors là, on va passer donc à la jeunesse du dessin animé. Donc je vais vous faire un petit rapide explicatif de qu'est-ce que masque. Déjà, messieurs, tiens Nico, est-ce que tu sais tout simplement ce que veut dire masque ? Donc, bien sûr que je le sais, évidemment, il n'y a pas du tout de tricherie là-dedans. C'est Module d'Action Secret Commando en français et en anglais, c'est Mobile Armored avec Strike Command. Comme Commando. Avec un K, bien sûr, que dans le Klu Klux Klan, non, comme dans Commando, oui, ou dans Mortal Kombat, pardon. Alors donc, il faut savoir que c'est une série d'animation, donc une production franco-américaine de 75 épisodes de 22 minutes chacun, créée par un dénommé Bernard Derriès. Est-ce qu'on vous fait rapidement l'historique du monsieur ? Bon, les Cités d'Or, Ulysse 31, Inspecteur Gadget, tout ça, je pense que vous connaissez. Donc, c'est le trio tête avec Bruno Bianchi et un certain Jean Chalopin qui est à la production pour ce dessin animé. Donc, évidemment, produit par la société DIC, donc DIC, qui est diffusée aux États-Unis à partir de septembre 85 et chez nous à partir du 14 avril 86 dans une émission qu'on avait déjà évoquée lors d'un précédent podcast, à savoir La vie des bottes. Alors, tiens, okay, Romain, est-ce que tu te souviens de La vie des bottes ? Alors, j'ai revu il n'y a pas très longtemps des épisodes de La vie des bottes. Et pour la petite histoire, Mask a remplacé, il me semble, Jace et les Conquérants de la Lumière. Exactement, c'est ce que j'allais souligner. Peut-être qu'on en parlera un jour, j'aurais à cœur d'en parler. Jace et les Conquérants de la Lumière a été tout simplement rapidement remplacé parce que les produits dérivés ne fonctionnaient pas. Il n'y a absolument pas de fin à ce dessin animé. Et donc, pour en revenir à Mask, ça relate les aventures d'un groupe d'intervention spéciale qui lutte contre l'organisation criminelle Venom, pour Vicious Evil Network of Mayhem, et qui veut dire réseau de destruction mauvais et diabolique en français. Ça fait pas du tout Venom en plus. J'ai toujours beaucoup apprécié le fait que Mayhem mette son nom dans le truc de... On est des méchants et on bosse pour lui. C'est ça. Limite, t'as le tatouage Mayhem. Donc, évidemment, les deux groupes s'affrontent grâce à des véhicules, dirons-nous, transformables, on en parlera, et possèdent des casques aux pouvoirs spéciaux, appelés tout simplement masques. Voilà. Alors, pour vous parler un petit peu du dessin animé, il faut savoir que quand même du côté de la Team Mask, il y a quelques personnages emblématiques, notamment le chef d'équipe, à savoir Matt Tracker. Donc c'est un milliardaire philanthrope, c'est le chef. Hein. Il pilote, rappelez-vous, le Falcon ou le Thunderhawk, là, une Chevrolet Camaro rouge qui se transforme en avion de combat. Donc je pense un des véhicules, en tout cas les plus charismatiques de ce dessin animé, sans peut-être être le plus joli, on en discutera. Et nous avons Gloria Baker, une sportive de haut niveau, Hondon McLaren, c'est un professeur d'histoire spécialisé en armes et stratégies de combat. On a Bruce Sato, le japonais cliché, Alex Sector, l'expert en informatique. Alors, pour être tout à fait honnête, je me souviens plus qui c'est. Je crois que c'est le chauve. Le chauve avec une... Alex, c'est le chauve avec une barbe. C'est celui qui est vétérinaire. Je crois. Qui est invité dans tous les trucs parce qu'il fait rien de sa journée. Exactement, oui. Mmh. Exactement. Et enfin, mon préféré, et ça, je sais que ça va faire plaisir à Murdoch qui nous écoute, Brad Turner, musicien expert en escalade, spécialiste du pilotage et qui pilote le cultissime Condor. La moto Condor, voilà. Qui n'hésite pas à planter son public en plein concert, en pleine tournée des Eurocannes parce que la Team Mask l'appelle. Alors, du côté de l'équipe Venom, on a évidemment le charismatique Miles Mayhem, le chef de Venom, qui pilote peut-être le plus culte des véhicules, à savoir le Switchblade, donc un hélicoptère qui se transforme en avion ou un avion qui se transforme en hélicoptère, au choix. On est bien d'accord que ça sert pas à grand-chose. Et voilà, hein, voilà. Donc, écoutez, on en parle tout de suite. Quel est l'intérêt ? Parce que moi, j'étais hyper fan, hein, personnellement. Mais même enfant... Je pense que c'est la question qu'on s'est posée tous, enfants. Nico, peut-être tu vas répondre. C'est que c'est super classe, mais à quoi ça sert ? Bah, moi, je dirais peut-être c'est un peu comme une autre série culte avec des vaisseaux d'enfer. C'est comme dans Robotech. Oui. En fait, en Robotech, il y a trois formes. Hein, une forme de robot classique. Il y a une espèce de forme hybride entre les deux, avec les papates qui dépassent, là. Mm-hmm. Et il y a la forme de jet. Et du coup, la forme de jet, c'est pour se déplacer vite et voilà, se balader. Et peut-être l'hélicoptère, c'est plus pour être mobile, tu vois, se cacher derrière les montagnes, ce genre de choses. Ouais, non. Éventuellement. Non, mais t'arrives pas à défendre le truc. Et... Ouais, il est plus agressif quand même en version jet. L'hélicoptère, c'est l'hélicoptère, c'est papy qui fait sa balade. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut bien avouer qu'il a une tronche à chier. Oui. Une tronche pas terrible, quoi. Miles Mayhem, le chef des méchants, il est anti-charismatique au possible. Malheureusement, un peu toute l'équipe, hein, parce que, bon, pour rapidement développer sur les autres, on a Cliff Dagger, donc c'est l'homme de main, un expert en démolition, pas du tout cliché. Vous savez, c'est le gars qui pilote Jack Hammer, une Ford Bronco armée avec son masque Flashor. Bon. Qui est un lance-flamme. Voilà, qui est un lance-flamme. Alors ça, je m'en souvenais plus, mais saviez-vous que Mayhem avait un frère jumeau ? Non. À savoir Maximus Mayhem, qui pilote je crois qu'il apparaît à partir de la seconde saison, qui pilote le Buzzard avec son masque et Deep Freeze. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'espère que vous allez me rejoindre, les amis, parce que dans la Team Mayhem, Venom, pardon, on a la fameuse Vanessa Warfield. Qui est une Warfield. moi mon cœur chavire, hein. Entre Gloria et Vanessa, je suis au taquet, hein. Moi team Vanessa à mort. Avec, vous vous rappelez, c'était la brunette avec la petite mèche et toute couleur, enfin habillée en violet, qui est une spécialiste en infiltration et espionnage, et elle pilote le véhicule Manta, donc c'est une Nissan 300ZX transformable en avion. Et par contre, malheureusement, elle a le casque qui a le nom le plus ridicule de la saga, à savoir Pointor. Ouais, effectivement, c'est pas génial. Mais je trouve qu'elle avait un look un peu à jouer de la basse dans le groupe des méchantes dans Jamel et les hologrammes, tu vois. Ah oui, c'est les... Ah, tu vois, la nana, là. Espèce de punkette, mais pas trop. Ah, mais moi, dans la team Jam et les hologrammes, je trouvais qu'elles étaient ringardes. Par contre, les Misfits... écoute, Nicolas, je te rejoins, mais totalement, quoi. Je trouve que Vanessa a la grande classe. Alors moi, j'ai un petit coup de cœur aussi dans les méchants pour Slyrax, qui est celui qui conduit la moto avec le sidecar. Ah oui. S'il y en a un qui est vraiment années 80, c'est lui, quoi. Ah oui. Il a un petit book de méchant, il a des petites rébanes de méchant, il a une petite coupe un peu... De méchant. Brushing de méchant. Et il a des... Tu sais, à l'époque, on avait des badges et des pins sur notre veste. Bah, lui, il a carrément des grenades, quoi. tellement il est méchant. Le pins ultime. Voilà. Alors, Romain, bon, évidemment, on va parler de jouets, mais on ne peut pas faire l'impasse sur le dessin animé. Est-ce que toi, tu aurais des choses peut-être à ajouter par rapport à la jeunesse du projet ? Alors, à la base, il faut savoir que ce dessin animé n'est qu'une commande. C'est vraiment une publicité commandée par... La marque de jouets Kenner ? Pas du tout, pas du tout. C'est une idée reçue. Ce n'est pas une publicité de 20 minutes, on est bien d'accord. Alors, ce sont de jolies publicités de 24 minutes, pour être exact. Mais c'est vraiment des publicités. Les 75 épisodes ont été commandés par Kenner pour vendre des jouets. Et en fait, le dessin animé a été lancé. Les jouets étaient déjà en magasin aux États-Unis depuis quasiment un an. Ah oui, d'accord. Oui, c'est sorti avant. Moi, c'est quelque chose que j'ignorais. En fait, la gamme de jouets est sortie en magasin un an avant la sortie du premier épisode. À peu près. C'est un peu moins d'un an, mais c'était la même chose déjà pour Jace. Ce sont en fait des commandes. Ils se rendent compte que leurs jouets ne se vendent pas tout seuls. Et du coup, ils proposent... demande à des sociétés de production de lancer un dessin animé pour être diffusé le samedi matin sur les cases enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est les premiers à avoir vécu ça. On est la première génération dont l'imaginaire a été privatisé, on peut dire oui. ça comme ça, oui, oui, oui. grâce à des lois votées par Ronald Reagan au tout début des années 80. Et le grand premier, c'est bien sûr Mister. Donc en fait, c'est bien ce qui me semblait. La première gamme de jouets à avoir eu ce type de marketing, c'était les jouets des maîtres de l'univers. Alors c'est la plus connue, mais c'est pas la toute première. La toute première, c'est Charlotte aux fraises. Ah d'accord. Ah, oui. Ça c'est plus sorti, les années 70, ça, non ? Alors non, justement, c'est peut-être 6 ou 8 mois avant Musclor. C'est un seul dessin animé à la base, hein. C'était juste un spécial Noël, mais avant ça, c'était interdit. Par contre, c'était autorisé pour le jeu vidéo. Et c'est comme ça qu'on a eu, par exemple, Pac-Man, avec notre ami William Lémergie. Dans notre dernière émission sur les jeux vidéo dans les 80s, bien évidemment, on a clôturé cette émission par ce cultissime générique vraiment indémodable. Et c'est marrant parce que chez nous, en fait, on a carrément suivi les Américains. C'est-à-dire qu'on ne s'est même pas posé de questions... J'ai cette impression-là. C'est bien pire que ça. Les Américains n'avaient plus le droit de le faire depuis le milieu des années 70, mais en France, ça n'a jamais été interdit. Et du coup, quand les Américains se sont dit « on va s'y remettre », ils ont demandé aux spécialistes du genre, les Français. Et t'as des jouets typiquement français qui sont sortis Alors, c'est des séries françaises issues de jouets américains. Ce ne sera jamais des jouets français. Parce qu'il me semblait que les Schtroumpfs... c'est belge, Peugeot, tout ça, c'est belge, hein, ouais. Ouais, mais moi je me souviens que la série de jouets les Schtroumpfs, elle était partout dans les années 80. Oui, alors même un petit peu avant, les fameux jouets Bully, les jouets en plastique mou. Mais la première série Hanna-Barbera, il me semble qu'elle est venue qu'elle est venue avant. Avec le générique chanté par Dorothée, hein, le vrai. Oui. Oui, du coup c'est ça. Et oui, mais c'est ça, c'est là où on voit notre différence d'âge, cher Romain, parce que les Schtroumpfs, nous on a connu, il y a qu'une personne qui a chanté, c'était Dorothée. Et là, quand tu regardes les séries qui sont dispo d'ailleurs sur Netflix, ça chante la Schtroumpf là, mais qui sait, c'est pas Dorothée, on n'en veut pas nous, tu vois. Enfin bon, bref, petit aparté, donc quand même, moi j'ai une question, parce que, on est super content de parler des jouets masse, parce que c'est des jouets, moi, à titre personnel, qui m'ont énormément marqué en tant que jeune enfant, mais quid du dessin animé, Nico, tiens, est-ce que tu... Enfin, t'en gardes un souvenir ému quand on évoque le dessin animé, est-ce que t'en as revu ? Alors, moi j'adorais le dessin animé, je trouvais ça génial. En plus, je regardais ça à l'époque avec mon pote David, lui il collectionnait les jouets. Donc, c'était sympa, quoi. On regardait le dessin animé avec les jouets. Ah, toi aussi, ouais. T'avais un copain David qui collectionnait. Moi, j'ai eu le même, hein, je pense. Hein. Comme à toutes les émissions, vas-y. Du coup, je trouvais ça super sympa comme dessin animé. Et puis, il y avait en plus la marque de fabrique Dick. C'est-à-dire qu'à la fin, il y avait la petite leçon de morale. Ça nous faisait bien marrer, mais enfin, voilà. J'avais un bon souvenir de cette série. Et puis, effectivement, j'ai regardé un ou deux épisodes en streaming. Et c'est vrai que c'est pas un mauvais dessin animé, j'ai envie de dire. Voilà, il y a une aventure à chaque épisode. Mais quand j'ai regardé les épisodes, je me suis pas dit ah ouais, le fameux épisode où Venom essaie de les écraser avec un rocher. Non, en fait, à chaque fois, les épisodes que j'ai vus, il y avait des vols de rubis, de machin. Mais ils sont, je trouve, assez fade en fait. On sent que le scénariste, il a fait ok, bon, bah, cette fois-ci ils vont voler un truc dans un musée, cette fois-ci ils vont essayer de faire s'effondrer un barrage, et enfin là en 10 minutes à 3 là on te fait deux saisons de masques sans problème. Oui, c'est ça. Après, si je peux ajouter, moi, évidemment, je suis du même avis que toi, Nico, hein, parce que moi, à l'époque, j'étais hyper fan. En plus, le générique, il est, selon moi, il est culte. Et visuellement aussi, avec l'espèce de grille en 3D, en fluo, là, je trouvais que c'était super sympa. Alors, c'est très 80s, mais c'est chouette. C'est ça. Ça te donnait de l'entrain. Tu avais envie de regarder ton masque. Et quand tu entendais la musique, tu courais devant ton écran cathodique, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment du même avis que toi. J'ai racheté les DVD, genre, oh, regardez, mes enfants, on va regarder Masque. Alors, mes enfants, ils ont accroché, mais et vraiment, oui. Ils ont vraiment trouvé ça génial. Moi, aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut que ça reste dans le souvenir. Tu vois, s'il y en a un qui passe sur la chaîne du Cap, tu le regardes parce que tu as la petite larme à l'œil. Regarde, fils, je regardais ça quand j'étais enfant. Pour vous donner un contre-exemple, on est actuellement en train de préparer. Allez, vas-y, Romain, on te donne une exclue. Le prochain numéro, ça sera sur les mystérieuses cités d'or. Oh, le numéro de janvier. Qualité. Gros dossier. Et ben là, c'est pas du même niveau. Tu vois, pourtant, c'est les mêmes gars aux commandes. Oui, mais c'est pas le Les Cités d'Or, on est sur une coproduction franco-japonaise où ils sont là pour faire un dessin animé. Ah, mais ça n'a rien à voir, quoi. Masque, c'était clairement fait à la chaîne pour vendre des jouets. Ce qui est assez rigolo, c'est que les scénaristes, la plupart du temps, sont les mêmes sur quasiment toutes les séries. Pour les scénarios de Masque, on retrouve les mêmes mecs qui avaient fait Musclor, les mêmes mecs qui avaient fait Transformers pour les dessins animés. D'ailleurs, les histoires se ressemblent beaucoup. Ils n'hésitaient pas à reprendre leur script, en fait. J'ai l'impression, par contre, que par rapport à Transformers ou d'autres séries, ils sont moins amusés avec le produit parce que je sais que Transformers a eu une vraie histoire derrière. Il y a des comics anglais par exemple qui sont sortis jusqu'à la fin des années 90 et qui sont vraiment intéressants, quoi. Post-apo et tout, sympa. Mais là, Masque, on a l'impression qu'il rechigne un peu à la tâche. Moi, je pense que oui, il devait pas être beaucoup payé. Ou ils étaient désabusés, ou je sais pas. Faudrait trouver quelqu'un de l'époque qui a bossé dessus pour savoir ce qu'il en a pensé lui. Mais ouais, tu sens que c'est alimentaire, mine de rien. C'est pas un kiff. Avec Masque, on arrive déjà à la fin de la DIC. Hein. La boîte, enfin, Chalopin va plus ou moins quitter la boîte en 86, il me semble. Donc, on est c'est peut-être un champ du cygne. Peut-être devenu trop cynique ou je sais pas. Et du coup, toi, Romain, pareil, tu as un affect particulier parce que je te sais fan des jouets, mais quid du dessin animé, quel est ton affect? Alors, moi, ce que je préfère dans Masque, c'est les messages à la fin, les évidemment, fameux messages de prévention. Évidemment. Comme tout le monde. Et j'en ai fait une compile que je ressors de temps en temps. Et quand on les met tous bout à bout, bah t'as pas le droit de faire grand-chose. Attention quand tu changes ton ampoule. Attention quand tu traverses, regarde bien à gauche et à droite. Ne caresse pas les chiens que tu ne connais pas. Enfin, c'est vraiment la totale. Les enfants des années 80 seraient tous morts si on n'avait pas eu tous ces conseils, quoi. Ou alors ils seraient cloisonnés. Oui, mais après, là, on en rigole. Mais personnellement, parce que tu sais, je compare un petit peu à ce qui se fait aujourd'hui en production audiovisuelle et ce qui se faisait à l'époque. Évidemment, c'est en mode vieux con, tout ce que tu veux. Mais dans chaque, notamment dans les productions Dick, là, je pense également à l'inspecteur Gadget, t'avais toujours une morale à la fin. Aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais je trouvais que c'était c'était intéressant parce que moi je me souviens de voilà quand inspecteur Gadget je l'ai dit attention quand tu changes l'ampoule à bien éteindre l'électricité. C'est des messages qui peuvent sembler un peu désuets, ouais, mais au moins il y avait une morale et c'est quelque chose que je trouve tu retrouves nettement moins dans les productions actuelles, tu vois. Après ça n'engage que moi, hein. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ces morales là même si bon ça reste de la morale, elles ont une vocation commerciale, elles sont là contrebalancer la violence. Les explosions, les lasers, par exemple, le début, ça a vraiment été avec Musclor, je pense, les premiers messages de prévention. Et c'était parce que Musclor sortait son épée. Ah. Et c'était la première fois qu'un héros de dessin animé avait le droit de dégainer son épée. D'accord. Et la morale, c'est incroyable. Et la morale aujourd'hui à la fin, c'est attention si tu rencontres un homme habillé avec des... en slip en cuir. En slip en cuir, qui a une coupe à la Mireille Mathieu. Et ne touche pas à son fourreau. Et en plus, c'était devenu complètement absurde parce que pour moi, dans les maîtres de l'univers, il y avait quand même une corrélation entre l'épisode que tu venais de voir et la morale à la fin. Et vraiment, dans Masque, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, ils n'en avaient plus rien à faire, quoi. Il fallait vraiment qu'ils mettent une morale à la fin. Ils mettaient n'importe quoi. Mais en tout cas, Romain, quand même, si on peut clôturer, parce qu'évidemment, on va pas parler non plus des milliers des cents, parce que le dessin animé, il est ce qu'il est. Mais toi, tu en regardes un avec plaisir, parce que déjà, tu as regardé enfant, donc tu parlais des multi-rediffusions. Mais est-ce que tu adorais enfant, et est-ce que aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, tu le conseillerais? Alors, je sais que j'adorais, je me souviens, j'ai un souvenir, c'est assez rigolo, hein, d'avoir été puni de ne pas regarder Masque. Oh, et j'avais dit à ma mère, c'est pas grave, je vais le regarder dans ma tête. au sens où mon imagination peut fonctionner. Je n'ai pas besoin de toi pour imaginer une histoire de Masque. Bah, c'est ça qui est bien. C'est, quelque part, c'est que c'est réussi. Oui, alors, c'est un grand mot. Il y a quelques mois, j'ai re-regardé des Masques avec les enfants d'un ami qui sont tout petits. Et ils foutaient le bordel. C'était incroyable. Je me suis dit, allez, tiens, on va leur mettre un vieux dessin animé. Eux ont été scotchés, mais direct. Ah oui, ce que je disais. Autant moi, j'ai dû regarder, allez, soyons gentils, un gros quart d'heure, et je gardais un œil dessus de temps en temps. Mais c'est vrai que, bon, une fois qu'on en a vu un, on les a quasiment tous vus. Oui, ouais, c'est un peu le problème. Et par contre, est-ce que tu n'étais pas devant ta tablette à te dire « Ah mince, il manque celui-là, il faut que je le commande direct sur eBay ». C'était plutôt ça, ouais. Je me disais, merde, mon petit Bob a eu un bras en moins, il faut vraiment que j'en trouve un qui soit complet, bordel. Ça me fait la même chose quand je regarde trop de Musclor à la suite, j'ai le problème, faut que je regarde s'il n'y en a pas un petit Skeletor qui traîne ou quelque chose. Ah ouais, mais Ah, j'ai pas le maître d'armes et tout. Enfin bon. En tout cas, faut savoir que la première saison avait plutôt bien cartonné, à tel point qu'il y a eu une commande d'une deuxième saison qui, alors en revanche, n'a vraiment pas marché parce que c'était axé sur tout ce qui était véhicule de route, donc c'était, on va dire, la saga Racing. Et à tel point qu'au bout de 10 épisodes, ils ont purement et simplement annulé le dessin animé, alors que le scénario, parce que chose qu'on n'a pas évoqué, mais l'équipe Mask connaît l'identité de l'équipe Venom, mais pas l'inverse. Alors que dans la deuxième saison, là, tout le monde connaît tout le monde, mais ils sont en guéguerre. Apparemment, je ne vous cache pas que j'ai pas eu le courage d'aller regarder, mais à travers une course automobile. Voilà. Et ben, c'est un peu les fous du volant. L'épisode que j'ai vu, c'était un épisode de la saison 2. Et je peux te dire que ça ne ressemble pas vraiment à grand-chose. C'est une course automobile. C'est de la pub sur la pub. Ah oui, c'est de plus en plus de la pub. Je ne suis pas sûr que c'est l'échec du dessin animé au bout des épisodes qui ait créé son annulation. Je pense que c'est plutôt l'échec de la gamme de jouets qu'ils avaient sorti l'année précédente qui a réduit du coup la production de la saison à seulement 10 épisodes. Je pense que ça a été une mauvaise surprise pour Dick, mine de rien, parce que la qualité de réalisation, même si c'était produit à la chaîne en Asie, est un tout petit peu plus sympa que la version première saison que tout le monde connaît. Les jouets de la seconde saison sont très sympathiques aussi. Après, on était très porté course. Je pense que le producteur Kenner, le producteur de jouets, voulait profiter de la hype autour du NASCAR et des courses d'automobiles à l'époque. Mask présente les bolides de la mort. Le lanceur de disque, c'est la porte Wildcat. Mais Manta ne s'en laisse pas compter. Il s'échappe. Wildcat appelle Goliath à la rescousse. Prêt pour le combat aérien. Lance-missile, paré, feu. Mask, tous les coups sont permis. Alors là, évidemment, on va attaquer sur le gros dossier, à savoir la partie jouet. Alors Romain, je pense qu'on est complètement dans ta partie, parce que je sais que tu aimes parler des origines des gammes de jouets. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'origine et de la conception de la gamme de jouets Mask par Kenner? Alors, il faut savoir que les fabricants de jouets n'ont aucune originalité. La plupart du temps, un fabricant de jouets, il se contente de suivre la mode qu'a lancée son concurrent l'année précédente. Ça s'est vérifié avec Star Wars, par exemple, où tout le monde a voulu sortir des héros de l'espace juste derrière. C'est vérifié avec Mister, on a de partir sur des figurines un petit peu plus grandes et si possible barbares. Et au début des années 80, on a eu deux monuments du jouet qui sont sortis, en la personne de Transformers et G.I. Joe. Et Mask, au final, c'est le parfait mélange des deux. Ce sont deux petits personnages à la G.I. Joe qu'on peut mettre dans des voitures transformables à la Transformers. Donc rien que pour ça, le concept est cool. C'est pas simplement une copie d'un concept de concurrent, c'est la copie de deux concepts de concurrents. Donc ça, j'aime bien. Alors, à la base, la gamme de jouets ne devait pas s'appeler Mask, il devait s'appeler A.T. Wheeler. Ah. Et c'est rigolo parce que ça fait référence au nom américain de Jace et les Compagnons de la Lumière, qui s'appelle The Willed Warriors. Et c'est pas innocent, donc, ça, non ? Alors, c'est deux marques concurrentes. Peut-être qu'ils ont copié sur le concurrent. Encore une fois, c'est vraiment une habitude. Parce que ça, je me permets, je te coupe, Romain, mais chose qu'on ignore, nous, enfin, moi, je sais parce que j'aime bien, mais il faut savoir que nous, on a connu le dessin animé Jace et les Conquérants de la Lumière. On a adoré, mais à la base, c'était aussi une commande, on l'a dit, et qu'il y avait quelques gammes de jouets qui, personnellement, je n'ai absolument jamais vu chez nous. Mais pareil. Alors que c'est des jouets de qualité, enfin, qui sont ultra collector aujourd'hui, en plus. Ouais, mais qui sont particulièrement laids et qui avaient une jouabilité qui était contestable. On peut dire ça comme ça. Ah, bah tu vois, tu me l'apprends là. Ils étaient livrés avec de petits personnages qui ressemblent d'ailleurs un petit peu aux petits personnages qui sont dans les boîtes masques, mais c'était produit par Mattel. Et Mattel s'était dit que c'était pas la peine de les sortir en France. Et un mauvais choix, je pense, puisque la série a vraiment cartonné chez nous, notamment grâce à son générique, hein, plus que pour l'histoire. Mais les ajouts de la DIC sur le monde du jouet ont aussi vachement impacté le succès. Il n'y avait pas tous les personnages secondaires qu'on peut connaître. Et c'est la même chose pour la Galaxy Mask, puisque certains personnages ont été rajoutés par les Français, donc par les producteurs du dessin animé, comme par exemple la fameuse Gloria, qui conduit une Porsche qui se transforme en sous-marin, c'est ça ? Ouais. Oui. On n'a pas eu en jouet, parce que tout simplement... Ça fait James Bond un peu, non ? Oui, alors, parce que on pense, entre autres, ils auraient eu un souci avec les producteurs de James Bond qui vendaient des jouets de la Lotus qui ressemblent énormément à la bagnole de Gloria. Mais au-delà de ça, les jouets étaient déjà sortis et le dessin animé ne venait que se rajouter par-dessus. Il me semble avoir lu dans une interview qu'il voulait un peu humaniser l'équipe, qui était quand même très masculine. Quoi. Et un brin cliché aussi, l'équipe, un peu. Hein. Ah oui, alors le côté milliardaire philanthrope, ça vous fait pas penser à Donald Trump ? Pas léger. Pas trop philanthrope, non. Ah bah, moi, Matt Tracker, je le vois, en fait. Alors, quand j'étais petit, au début, je pensais que Mayhem était le gentil. Ah bon ? Ah bah, il a un uniforme avec des médailles. Ah oui, exact, oui. Elles sortent d'où, ces médailles ? Éventuellement. Qui nous dit qu'en fait, c'est pas l'inverse depuis le début ? Que Matt Tracker n'est en fait qu'une sorte de Donald Trump qui, avec ses amis richissimes, on chope le bordel. Et que Venom, au final, malgré un choix de nom contestable, ce sont des agents de police qui font ce qu'ils peuvent. C'est vrai. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Et présenté comme ça, après, il faut voir l'équipe Venom, mais bon. Et dernière chose, il faut savoir que dans la première série des jouets produits, eh bien, les personnages avaient des masques un peu différents de ceux qu'on a eu en Europe. Ah, explique-nous. En fait, ils étaient pleins. Et ces masques, eh bien, ils avaient une fâcheuse tendance à étouffer les enfants lorsqu'ils étaient avalés. Donc, en Europe, on a fait des trous dans les masques pour que les enfants assez bêtes pour avaler des accessoires puissent survivre jusqu'à leur transfert à l'hôpital pour leur extraire ce petit morceau de plastique. Il faut savoir aussi qu'en Allemagne, ils ont carrément censuré le logo sur les boîtes de jouets. Ils ont retiré les explosions. Donc, tu peux avoir violent. Une voiture avec des missiles, mais tu n'as pas le droit de t'en servir. D'accord, ok. Bon, bah, écoute, je pense que là, on a fait un tour de cette merveilleuse société du jouet des années 80 qui est Kenner. Maintenant, on va attaquer un petit peu vos sélections des différentes collections. Donc, je vais te garder, Romain. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs types de collections. Donc, nous, je pense que nous, celle qu'on a connue, on va dire, c'est la série numéro 1. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques, on va dire, pièces original, enfin, pardon, quelques pièces vraiment importantes de cette collection, on va dire, série numéro 1. Alors, pour la série numéro 1, je pense que tout le monde a surtout retenu la fameuse Thunderhawk, la voiture de Matt Tracker, la voiture principale, hein, la Camaro rouge, qui se transforme en jet, on va dire ça comme ça. C'était au-delà du simple fait que ce soit une très jolie voiture, mais rien que pour l'époque, on avait du détail, on avait du chrome. Et voilà, c'est ça que je voulais te demander, parce que moi, je sais que j'aimais bien cette gamme de jouets parce que j'avais le sentiment qu'elle était plutôt de qualité. Et justement, sur ton œil expert de collectionneur de jouets, est-ce que tu saurais nous dire si justement les jouets masques étaient plutôt bien fichus et de qualité ? Alors, ils sont plutôt bien fichus. D'une part, il y a ces fameux chromes hein, sur les pare-chocs, également sur les roues. Et les pneus sont en caoutchouc. Donc très souvent, quand vous les trouverez en brocante, ils n'ont plus les pneus puisque les horribles gamins qui les possédaient les ont virés pour jouer. Ou les boulottaient. Ou les boulottaient et s'étouffaient avec ensuite. Évidemment. Au-delà de, bien fait. de la qualité, ils sont aussi extrêmement proches de ce qu'on va voir dans le dessin animé. Et oui, c'est ça qu'il fallait souligner, parce que déjà dans le dessin animé, je trouvais que Matt Tracker, bizarrement, il avait le véhicule le plus pourri de toute la gamme, alors que les autres, on va en discuter, mais les véhicules avaient la grande classe. J'aimais pas trop cet objet, parce que j'avais l'impression que c'était une bête voiture qui, bon, bah, tu lèves les portes, un peu comme la DeLorean. Des portières papillons. Ouais. Ouais, voilà, comme la DeLorean de Retour vers le futur, et puis bon, bah voilà, elle s'envolait. Alors que les autres véhicules, Nico, si tu en as un autre à nommer, avaient des, on va dire, des transformations peut-être plus intéressantes. Bah moi, personnellement, celui que je préférais à l'époque, et j'avais un pote qui l'avait, et c'est vrai qu'en jouet, quand tu l'avais dans les mains, il était vraiment super sympa. Bah du coup, c'est l'hélicoptère du méchant, le Streetlet, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bah, qu'un design très années 80 aussi, hein, Oui. On ne peut pas faire plus 80s que ça. Bah en fait, malgré le fait que soit un hélicoptère qui se transforme en avion, il y avait pas mal de... Autant la Thunderhawk, on appuyait sur un bouton et se transformait quasiment instantanément. Autant le Switchblade, fallait replier les hélices de l'hélicoptère, les rentrer, sortir les ailes. Alors, je vous défie, les gars, de réussir à monter un Switchblade, de le transformer du premier coup. Ah, et pourquoi ? Parce qu'il faut carrément un diplôme d'ingénieur. Ah mince, pourquoi il est... Bah, dans ma tête de gamin, c'était en deux mouvements, mais je sais que j'arrivais à faire des Transformers complexes, donc forcément, voilà quoi. Mais pour en avoir eu un dans les mains il n'y a pas très longtemps, je me sentais un peu bête. Ah ouais, tu sais... Pourquoi, ouais. Qu'est-ce qui fait que ça coince un petit peu au niveau de la transformation, c'est... Alors, c'est pas tant que ça coince, c'est que les boutons sont discrets. Donc, il faut déjà trouver le bon endroit où appuyer. Mmh. Et puis, bah, mine de rien, c'est du plastique assez léger. Enfin, tu vois, j'évite de mettre trop, les gros doigts partout et d'arracher les ailes. Mais c'est bien foutu, vraiment. Hein. Mais du coup, il faut connaître le jouet pour vraiment pouvoir en profiter. Il y a un côté surprise aussi. Que tu pouvais venir voir ta grand-mère avec un hélicoptère et paf, transforme en avion, t'as vu mémé, c'est un truc de dingue. et moi, dans mes souvenirs d'enfant, j'avais le sentiment d'un énorme objet, peut-être même le plus gros des véhicules, et surtout qui était d'un plastique bien brillant, et vraiment, je dis peut-être une ânerie, mais j'avais l'impression de mes yeux d'enfant que c'était un objet qui était vraiment volumineux. Alors, est-ce que c'est toujours le cas, Romain ? Alors, il n'est pas très très grand, le Switchblade, mais il reste d'une taille sympathique. C'est pas un tout petit truc. Après, les gars, je crois que vos mains ont quadruplé de taille. Oui, il y a un peu de ça. Mais tu es d'accord peut-être pour dire que c'était dans la gamme de la série numéro 1, enfin, c'était le un petit peu le haut de gamme, un petit peu dans la gamme de... Alors oui, ça faisait partie du haut de gamme, clairement, avec Rhino, par exemple, le camion rouge. Ah, là, là. Il me semble que c'était quasiment 500 francs. Et celui-là, le Rhino, fait partie de la gamme 1. Oui, le Rhino est dans la gamme 1. C'est l'autre camion, le camion bleu, le Bulldoze, qui est sorti dans la série. Ah, exact. Dans la série Racing, je crois. Moi, c'est marrant parce que, évidemment, moi, j'avais le même copain que Nicolas. J'ai l'impression qu'on a eu la même vie. C'est extraordinaire qu'il y avait toute la gamme. Je me souviens quand on allait chez... parce que ses parents, malheureusement, étaient séparés. Mais quand, des fois, le week-end, on allait chez son père, il y avait toute sa chambre. Il n'y avait que des jouets masques. Professeur O, si tu nous écoutes, je pense que tu te reconnaîtras. Et il possédait ça. Et je me souviens, on jouait au Rhino. Je le trouvais pas super super joli, bizarrement, à l'époque. Peut-être que je me trompe aujourd'hui, parce que évidemment j'en ai jamais revu, parce que je trouvais c'est un peu Optimus Prime, hein, on peut le dire. Ouais, mais moi qui ai toujours resté client de tout ce qui est transformation, hein, moi tout je le dis toujours, tout ce qui est robot, transformer, tout ça, méca, je suis super client. Et par rapport à d'autres objets de la gamme, j'avais le sentiment que les transformations étaient plutôt minimes par rapport au volume de l'objet. Oui, non, pour Rhino était sans doute le jouet le moins transformable. Je crois qu'on pouvait bouger les pots d'échappement, et puis t'avais un le truc avec le pare-choc aussi, non ? Ouais. Et puis il pouvait se détacher. Le derrière, ça faisait un tracteur. Hein, ou je sais oui, pas t'avais l'espèce de. Oui, le derrière, ça se transforme en deuxième véhicule. Si les auditeurs ont envie d'y jeter un coup d'œil, qu'ils tapent Rhino masque sur Google, je pense qu'ils se marreront, hein, quand ils verront la transformation. C'est pas vraiment un truc impressionnant. Non, non, non. Alors que c'est quand même l'emblème du dessin animé. Enfin, sur le logo, tu parlais des missiles et tout, c'est ce camion qui est sur le logo. Alors, Moi, honnêtement, le jouet, je pense que beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître dans ce que je vais décrire, qui me faisait triper, et d'ailleurs j'ai la chance d'en avoir retrouvé en brocante, j'étais comme un fou, bah, c'est bien le Condor, la moto verte, on en parlait du rocker tout à l'heure, qui se transformait en un hélicoptère. Donc là, tu trouvais le truc ultra classe, parce que, souvenez-vous, c'était, enfin peut-être pas toi Romain, parce que tu es un petit jeune, mais nous, à l'époque, on était hyper hypés par la 5, et la série qui nous faisait triper, Nico, je te laisse rebondir. Tonnerre mécanique, bien sûr. Tonnerre mécanique. Et là, tu avais ton tonnerre mécanique qui, en vert plus, fluo. Se transforme... Vert fluo, le vert fluo années 80, évidemment. À fond, ouais. Et qui avait la grande classe. Et j'ai un peu creusé, du coup, le dossier autour de moi. Pourquoi cette moto ? Pourquoi celle-là nous a marqué ? Alors qu'objectivement, je crois même que c'est déjà parce que, c'était un des objets les moins chers de la gamme, parce qu'il est tout petit. Et surtout... cette moto est appelée quasiment à chaque mission. Et du coup, au niveau marketing, bah, c'était probablement le truc qui s'écoulait le plus parce que à chaque mission, tu avais l'ordinateur de bord, hein, l'ordinateur central qui faisait appel au service de la bécane. C'était assez malin hein, parce que la gamme de jouets avait, comme tu disais tout à l'heure, il y a le Rhino qui coûtait 500 francs, mais tu pouvais avoir la moto... pour, allez, je dis un prix, je pense que c'était pas tapé loin, mais 40-50 francs. Oh non, c'était plus cher quand même. Non, t'as une idée des prix romains d'époque ou pas ? Je peux les trouver là tout de suite si vous en avez besoin. Et pas en euros actuels, on va dire. Hein, non. Même musique. Hein. En euros actuels, effectivement, c'est sans doute une des gammes qui coûte les plus chères en ce moment, en boîte. Mm-hmm. Mais je peux te confirmer. Hein, j'ai regardé un petit peu en préparant l'émission, genre séquence nostalgie, puis j'ai fait, bon, bah, si j'en trouve en brocante, je serais ravi. Hein. Mais oui, il me semble que le Condor, c'était une quarantaine d'euros. C'est vraiment du produit d'appel. Il me semble que le Condor, c'était une quarantaine de francs. On est vraiment sur le produit d'appel, comme tu le disais. Hein. C'est, effectivement, tu ne pourras pas obtenir de ta mère, à chaque fois que tu vas faire les courses, le playset boule de riz à 500 francs. Pour espérer l'avoir, le petit bonhomme. Où, ils ont également sorti des blisters avec deux personnages. Oui, ça, c'est ce qui cote le plus, je crois, aujourd'hui. Ah bah, c'est... Alors, pour certains, ça dépend lesquels. Encore une fois, les jouets ne valent rien, ça dépend lesquels. Alors Romain, je me permets de te faire rebondir parce que là tu as évoqué, il faut en parler de la station Boulder Hill. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu pour les rares auditeurs qui ne connaissent pas cette mythique station-service ? Alors le Boulder Hill, c'est donc la base qui sert à nos amis de masque. C'est la base secrète déjà, les moteurs grondent. Exactement, elle est évidemment sous une montagne et sur ce playset, eh bien, nous allons caler une jolie montagne. Avec donc ce qui ressemble vaguement à une base, mais on est vraiment beaucoup plus proche, comme tu l'as dit, de la station-service. Non, mais officiellement, c'est une station-service. Ah ben, c'est une station-service, mais de là, faire une grosse différence entre les deux, entre la version transformée et la version normale. Je crois que tu fermes une porte, tu mets un rideau de fer, et c'est devenu... Ça faisait un peu pitié quand même, je trouvais. Moi, j'avoue que même à l'époque, j'étais pas dupe parce que, pareil, ce même copain avait tous les jouets. Mais vous avez pas l'adresse de son père parce que j'ai un pied de biche. Ah, ben là, il y a certaines valeurs, enfin, certaines sommes aujourd'hui, hein, certains objets. Et cette fameuse station Boulder Hill, de mémoire, je dis peut-être une bêtise, mais vous savez, il y avait une sorte de rocher qui était au-dessus, au sommet de cette petite montagne. Oui. Qui faisait un peu plastoc pourri. Enfin, je me souviens plus, parce que évidemment, j'en ai jamais revu de ma vie. Hein. Tu sais, là, c'est des souvenirs qui parlent, et un peu ma documentation. Et à l'époque, par rapport aux véhicules qui faisaient vraiment pas de chipos, encore aujourd'hui, je trouve, à titre personnel, cette station, malheureusement, pour le prix qui était demandé, j'aurais préféré acheter d'autres véhicules masques. Je sais pas toi, Nico, par exemple. C'est vrai qu'il y avait un peu ce paradoxe-là. On parlait de la qualité des jouets. Et pareil, le Condor qui était pas cher du tout, c'était pas un jouet au rabais quand même. Moi, je trouve qu'il était vachement bien fini. Moi, personnellement, j'avais le sidecar là, du gars avec les grenades en guise de pizza. C'est Piranha, non ? Le Piranha. La moto, elle est de super bonne qualité. Le sidecar se transforme en une espèce de petit sous-marin. Il y avait des ressorts à l'intérieur. Les jouets étaient vraiment bien pensés. Et j'ai l'impression que les gros modèles étaient quand même un peu plus gros bouts de plastique, oui, vaguement à monter. et pas si valable que ça au niveau, au niveau jeu en plus. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand chose à faire avec. C'est clair que si on parle jouabilité pour Boulder Hill, c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable. Au point de vue marketing, je ne sais pas si vous avez déjà vu la boîte. Ah bah ouais, voilà. Au pied du sapin, c'est monstrueux. La boîte est tellement énorme. La boîte fait la taille d'un enfant de 4 ans. Romain, je te coupe. Je pense que le terme jouabilité, je connaissais pas, je découvre, mais je comprends complètement le sens que tu veux donner, parce qu'une station comme Boulder Hill, alors là, je suis totalement d'accord avec vous, messieurs, c'est que, ok, c'est volumineux, c'est peut-être joli, ça dépend des goûts, mais je vois mes enfants encore tout à l'heure. Ils jouaient avec mes jouets masques parce que j'ai préparé cette émission avec eux, vous avez pu l'entendre en intro. Et le gamin, il prend plaisir à faire rouler la moto, à la transformer, alors que bon, bah, l'autre, c'est... Voilà, ça prend beaucoup de place dans une pièce, et puis finalement, tu t'en sers peu, quoi. Mais c'est ce qui fait sa rareté encore aujourd'hui, hein, c'est que c'était tellement volumineux et tellement top, qu'ils n'ont pas vendu énormément à l'époque non plus, donc on en trouve beaucoup moins sur le marché secondaire. D'ailleurs, je me permets, je reste sur le dossier enfant. Moi, il y a un truc que je trouve formidable dans la gamme de jouets masques. Bon, peut-être c'est pas le cas de Switchblade, tu l'as évoqué, mais ce que j'aimais beaucoup, et encore aujourd'hui, parce que je le vois au travers des yeux de mes enfants, c'est la simplicité des transformations et le plaisir de chaque transformation. C'est-à-dire, on va rester sur l'exemple de la moto. Quand elle est en moto, ça s'y prête complètement, ça roule bien, encore mieux quand c'est des véhicules. Et après, quand il passe en mode hélicoptère, la transformation est assez simplissime. Pour le coup, je crois que c'est la roue arrière qui se lève et qui fait illusion d'hélice arrière, rotor arrière. Et puis, je crois que tu lèves des essieux ou je sais pas quoi, puis ça fait l'hélice. Il n'y a pas une complexité folle au niveau des transformations. Mais pour un gamin, je le vois avec mes enfants, le plaisir de jouer, donc je te rejoins sur le terme, est vraiment présent. Et mes enfants se régalent, ils se racontent des histoires et tout. Et ça prouve que bah, c'est des jouets de qualité, parce que plus de 30 ans après, ils font pas du tout de cheapos. Et c'est ça que je trouve qui est remarquable, peut-être pas sur toute la gamme, et encore, hein, j'ai envie de dire presque oui, c'est ça que je trouve vraiment remarquable dans la gamme de jouets masques. Et moi, pour appuyer là-dessus, pareil, hein, j'ai plein de jouets chez moi et j'ai régulièrement une copine qui vient de Paris pour nous voir avec sa petite fille de 2-3 ans. Et le seul jouet sur lequel vraiment, elle arrive, elle fait la bise, elle est polie, mais elle va chercher dans mes étagères et elle prend le Thunder Hawk. Oh, et pourtant, tu laisses des enfants toucher à tes jouets, mon Dieu. Oui, c'est honteux, je sais. Et pourtant, j'ai une peluche de Kermit la Grenouille, j'ai des Musclors, j'ai Lego, plein de trucs qui devraient, a priori, plus plaire à une petite fille de 3 ans. Et non, elle, le jouet chez moi sur lequel elle a flashé, c'est celui-là, quoi. Il y a des éclairs dessus, donc peut-être c'est ça qui l'attire, mais c'est vrai que c'est... Et j'en ai pas d'autres. C'est parce que l'objet, ouais, encore une fois, est simple et intuitif à transformer. Et ça suffit, ouais, pour faire le plaisir, pour l'imaginaire. Excuse-moi, je pars peut-être un peu loin, hein, parce qu'on parle d'objet marketing. Non. Mais un marketing bien pensé, pour l'imaginaire, ça fonctionne à plein tube. Alors, évidemment, on pourrait parler des heures et des heures de la gamme. Hein. J'ai tout de suite le Jackhammer en tête. Vous vous rappelez, le véhicule, ouais, 4x4, que je trouvais pas génial, hein, qu'il y avait une sorte de tourelle qui se levait à l'arrière. C'était plutôt un véhicule à deux bonhommes. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait le Firecracker. Le Hurricane est très, ah oui, sympa. C'est le véhicule bleu. Oui, c'est celui qui ressemble à une voiture de mafieux mexicain. C'est ça, voilà. Okay. Je la trouve trop classe, cette voiture. Elle était très classe, ouais, la Hurricane. On avait la Firefly, donc la... que j'ai d'ailleurs, je suis assez content. Une voiture de course qui se transforme évidemment en avion, qui est bête comme transformation, mais qui est efficace, hein, pilotée par un certain Julio Lopez avec la moustache. C'est celle que j'avais eue à mon d'ailleurs, anniversaire. Petite anecdote, parce que celle-ci, je l'ai trouvée en brocante. Je l'ai payée vraiment quelque chose comme, allez, 1 euro ou même moins, parce que les deux roues de devant, qui on dirait des roues de vélo d'ailleurs, entre parenthèses, étaient cassées. Alors j'ai fait, vous inquiétez pas les gars, avec papa, on va bidouiller l'affaire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des roues de Lego, tu sais, mais qui sont déjà montées sur un petit carré de 4, Nico. D'accord, ouais, oui. Je vois, et bah, près, je, ouais, les ai collées. Ah là là, on veut la photo. Honnêtement, quand tu le sais pas, eh ben ça pue la classe, quoi. Honnêtement, on était super fiers avec mes enfants parce que tu sais, c'est une pièce qui a un léger angle droit et qui, mm-hmm, se prêtait complètement au collage, quoi. Bref, ouais, aparté terminé. Bon là, je vais vous demander quand même, messieurs, votre modèle préféré, peut-être que vous avez eu, peut-être que vous avez eu plus tard, peut-être que vous recherchez toujours, mais qui, selon vous, est dans le très très haut du panier dans la gamme de jouets masques, Romain. Alors moi, ça va vous surprendre. Mon jouet masque préféré, ce serait T-Bob. Ah, je l'ai, T-Bob. Il est classe. J'adore ce T-Bob. Bon, c'est un gros repompé d'R2-D2, bien pas sûr. Pas du tout. À peine. Mais en plus, il faisait scooter. Tu pouvais monter, le fils de Matt Tracker montait derrière, t'avais des petits trous, et hop, tu pouvais partir où tu voulais. Non seulement c'est un robot, mais en plus, il t'emmène à l'école. Royal. En plus, c'est ton pote, quoi. En fait, c'est le jouet que t'aurais bien voulu avoir en taille réelle pour toi. Ah oui. Et le personnage m'a vraiment toujours passionné, mais j'avais un petit affect pour T-Bob. Et du coup, quand j'ai commencé la collection, je voulais absolument en choper un. Et malheureusement, il était un peu au-delà des prix que je voulais bien y mettre. Et du coup, j'en ai qu'un que j'ai trouvé en brocante. Il lui manque un bras, mais c'est le mien. Et je l'aime autant que je peux, malgré ses défauts. Alors moi, j'ai une anecdote sur T-Bob, parce que je suis comme toi, Romain. Je sais pas si tu le sais, mais je suis très, très, très friand de vide-grenier. Et une fois, mon fils aîné en avait trouvé un en brocante. Et la bonne femme, je vais vous laisser faire une petite enchère à dessous. Je l'ai acheté, hein, donc c'est pour vous dire que je ne l'ai pas payé cher. À combien elle me l'a proposé et combien le gamin l'a payé, quoi. Oh, allez, soyons fous, la dame t'a dit j'ai vu sur internet, ça vaut au moins 20 euros. Non, là tu t'égares complètement parce que la dame voulait le donner au gamin. Enfin, c'est pas qu'elle voulait le donner, mais elle voulait qu'il lui donne quelque chose. Et elle lui a demandé quand même, écoutez bien, 1 centime d'euro. J'ai trouvé que c'était un peu abusé, parce que bon, c'était genre histoire qu'elle reparte avec quelque chose, la dame, mais le gamin a acheté son petit Bob un centime. Ah, c'est très cool. Donc, on était relativement contents. Nicolas, du coup, pareil, même question, est-ce que t'as un objet, de tes désirs, parce que je te sais, comme moi, super client de la gamme masque. Alors, il y en a plein, en fait. C'est vrai que quand tu commences à regarder les catalogues, tu te souviens, mais il y en a plein, moi. Le Jackhammer, le Hurricane dont on parlait tout à l'heure, je les trouve vraiment sympas. J'aime bien les voitures de course des années 80 aussi. Le Gator, je vous ai pas entendu m'en parler. Le Gator, les Jeeps, je suis moins fan. Mais pareil. Alors, pour nos auditeurs qui ne se souviennent pas, le Gator, c'était le véhicule de Dusty Hayes, je crois, qui était donc une Jeep orange et qui avait la faculté de s'ouvrir et pour libérer une sorte de petit bateau, quoi. Enfin, de petit hors-bord. Un canoë kayak. Ouais, avec, vous vous rappelez, une sorte de tonneau derrière, là, qui larguait je sais pas quoi, d'ailleurs. Mais... Et d'ailleurs, il était super bien, ce jouet, parce que en gros, c'était une coque qui s'ouvrait et quand tu ouvrais la coque, le petit bateau partait assez loin. Exact. Sauf que, comme tous les enfants, il jouait dans l'eau avec le bateau. Dans la baignoire, tu jouais avec ton bateau et du coup, ça faisait rouiller le ressort qui était à l'intérieur. Et du coup, tu l'utilisais une fois, deux fois et puis, au bout d'un moment, il sortait à peine de la coque, c'était un peu décevant. D'accord. Et du coup, donc, ton objet culte ou l'objet de tes désirs, entre guillemets ? Alors, moi, plein de voitures de course et tout, genre celle de Vanessa aussi, je la trouve géniale. Mais celle que j'aimerais bien retrouver, au final, c'est le Piranha, donc dont j'ai déjà parlé 3 ou 4 fois. C'est le sidecar avec Slyrax. C'en était un de ceux que j'avais eu à l'époque. Et c'est vrai que je le trouve super classe, quoi. En gros, pour faire une image mentale pour les auditeurs qui ne voient pas ce que c'est une petite moto, un peu plus petite que celle du Condor. Mais par contre, t'as un gros sidecar sur le côté. Bon, la transformation, elle n'est pas géniale, quoi. C'est deux canons qui sortent et des petites. Non, moi je suis pas fan. Par contre, le vaisseau, en fait, alors c'est censé être un bateau sous-marin, mais tu peux t'imaginer que c'est un vaisseau spatial sans problème, quoi. Après, c'est aussi la nostalgie qui parle, j'avoue. Oui, parce que. Et puis, il y a le petit cockpit qui se referme et tout. Enfin, pour un jouet qui coûtait pas très cher à l'époque, la finition, elle est quand même assez hallucinante en plus. Je pense qu'il se rattrapait en termes de production sur les petits personnages vendus avec les véhicules qui, étaient très peu détaillés. Ils étaient peu détaillés, mais ils étaient solides quand même. Enfin, en termes de peinture, parce que c'est vrai qu'en termes de sculpture, ils sont quand même très beaux comparés à leur taille. Oui, parce qu'à l'époque, en comparaison, on avait la gamme de jouets G.I. Joe, que personnellement, à part Nico, parce qu'il avait le porte-avions, Nicolas. Non, je l'avais pas. C'était pas le porte-avions que tu nous avais raconté une fois, de 2 mètres, là, G.I. Joe, je sais pas quoi. Alors, j'en avais parlé, mais j'avais dit je connaissais personne qui l'avait et j'imaginais même pas qui pouvait avoir ça chez lui parce que le jouet fait 2 mètres de long, quoi. Là, je suis dans mon salon en train d'enregistrer cette émission. Mon salon, il fait 3 mètres sur 2 mètres 50. Quoi ? Comment tu fais pour mettre un truc pareil chez toi ? Pour faire le comparo avec les G.I. Joe, alors, je vous dis peut-être une ânerie, mais ils étaient plus grands, les G.I. Joe, mais ils étaient pas très, très solides. Non. Parce que je me souviens que le tronc avait une sorte d'élastique pour faire tenir le tronc et les jambes et qui cassait assez facilement parce que l'élastique vieillit, alors que les figurines masse sont petites, mais aujourd'hui, moi, mes jouets ont 30 ans, celui que j'ai acheté, le Bruce Sato, là, le japonais de service, il lui manque une main, donc il n'aura plus de chocolat, mais pardonnez-moi, il n'aura pas de chocolat à Noël. Il a été mâchouillé, je pense. Mais d'une manière générale, Romain, je pense que tu vas confirmer ou non, mais la finition était plutôt propre, quoi. Les articulations, tout ça est plutôt de qualité, quoi. C'est du beau boulot, hein, ce qu'il y a eu sur Mask. D'ailleurs, ça a été recopié par d'autres marques, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. On les a retrouvés avec les Dino Riders, par exemple. C'est-à-dire, explique-nous vite fait, au contraire. Alors, Dino Riders, c'est une gamme de jouets qui a été distribuée par Taiko et qui proposait des figurines de la taille des masques qui montaient sur des dinosaures. Meilleure idée de dessin animé du monde, quoi. Je comprends pas comment ça s'est pu se planter, ce truc-là. Il y en a pas eu beaucoup, hein. Je crois qu'il y a eu 13 épisodes. Et d'ailleurs, on connaît un prototype jouet Dino Rider sur lequel c'est tout simplement une figurine Matt Tracker qui a été utilisée. Ah, d'accord. Donc, pendant la production, ils sont partis de la base des jouets Kenner pour créer la leur. D'accord, ok. Mask a eu une influence au-delà de sa simple commercialisation. Les mini-figurines, on en a eu pendant 4-5 ans. Dans d'autres donc, jouets, elles sont compatibles avec la gamme Mask des véhicules et tout. Oui. D'accord, c'est bon à savoir. Elles font à peu près la même taille. Après... Si vous lancez dans Masque, vous fait peur à cause du prix et de la rareté, ne vous lancez pas dans Dino Riders. Donc, écoute, transition trouvée, parce que messieurs, figurez-vous que fibre nostalgie étant, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu les prix de la gamme de jouets Masque sur Internet. Je suis, j'achète ça à 2-3 euros en brocante. Ça coûte. Alors, Romain, tiens, je pense que tu dois connaître les prix. Alors, un Condor, donc la moto qu'on a longuement évoquée, en boîte, parce que t'as plusieurs types d'achats. T'as ce qu'on appelle en loose, c'est-à-dire où t'as juste le véhicule, et quand t'as la boîte, et t'as ce qu'on appelle l'état mint ou neuf ou sous blister. Mint, c'est au-delà du neuf, ça veut dire qu'en gros, c'est comme si elle avait été sortie du carton de production. Et voilà, donc j'en ai trouvé. On va en faire 2-3, hein, je vais pas vous faire non plus un truc trop long. Mais la moto en boîte, Romain, à ton avis, donc on parlait d'un truc à 40 francs à l'époque, hein, tu regardes l'inflation, ça ferait aller une dizaine d'euros. Donc, combien tu penses que notre petite moto coûte aujourd'hui en magasin, en boîte? Alors, moi, je triche parce que, oui, effectivement, je connais les côtes, mais un Condor en boîte française, neuf, jamais ouvert. Non, il n'est pas neuf. Il est la boîte, mais d'occasion. Allez, juste avec la boîte, un peu moins d'une centaine d'euros pour un prix à peu près... un prix sympa. Eh ben, le prix sympa trouvé chez Tonton Mika, c'est 70 euros. Voilà. Mais je vous ai trouvé vraiment des trucs vraiment extraordinaires parce que je me suis dit, quand même, il y a des véhicules emblématiques. Donc là, Nico, je vais me rapprocher de toi. Un Rhino en état neuf de chez neuf, hein, comme l'a évoqué Romain. Donc le Rhino, c'est le camion masse, machin, qu'on n'aime pas trop, mais qui avait quand même une certaine aura auprès des enfants que nous étions. Je te laisse nous donner un petit prix. En boîte neuf d'occasion, boîte. Ou occasion de neuf, je ne sais pas. Ça doit coûter... vu ce que disait notre camarade tout à l'heure, j'ai envie de te dire un truc comme 250 euros. Allez. Eh bien, tu es complètement dans le faux, parce qu'il faudra t'en débourser la modique somme de 460 69 euros. Oh, attention, t'as les cartons à ce prix-là. Ah bah c'est gentil. Qui personnellement me fait halluciner. Et pour en avoir un petit peu parlé avec, d'ailleurs je remercie encore une fois Adramelec qui m'a filé tout un tas de documents pour préparer cette émission, faut savoir que la gamme de jouets masse, c'est peut-être pas les jouets les plus chers. Donc moi personnellement ça me fait halluciner parce que des fois t'as des prix qui peuvent aller jusqu'à des 2-3 000 euros quoi. Je me permets de réagir parce que c'est vrai que les prix des jouets vintage, on en parle beaucoup, c'est souvent d'ailleurs le seul intérêt qu'ont les gens pour ce genre d'objets, ce ne sont pas des objets vendus. Ce sont des objets en vente, oui. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, c'est des vitrines. Nous, c'est absolument pareil, parce que quand tu vois, moi qui est très très très friand de jeux rétro gaming, c'est, on va dire, la même approche des prix. Et oui, c'est des objets pour vitrine pour que... tu vois, on en parle, ça nous fait rebondir. Donc bon, l'un dans l'autre, on en parle toujours. Oui. Après, est-ce que ça vaut ce prix-là? Personnellement, je ne le pense pas. Si tu fais des brocantes, comme moi, je pense que des fois, tu es tombé sur des bonnes affaires. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des collectionneurs qui divorçaient et dont la femme avait décidé de tout vendre ce matin-là à un prix modique. Ah, bien. Sur ces coups-là, tu peux trouver du neuf pour un prix bien inférieur à ça. Un vieux copain à toi qui te fait « Oh, t'aimes les jouets, attends, je vais te remonter ce que j'ai au grenier. » Si tu veux, là, du coup, ce sera gratuit. Alors, le vrai prix d'un objet de collection, c'est pas ces prix-là, c'est pas non plus gratuit, c'est tout simplement le prix qu'on veut bien y mettre. Et ça, c'est une chose importante à rappeler. Si vous avez du vieux masque dans votre grenier, les auditeurs, ne pensez pas que ça vaut le prix qu'on vient d'évoquer. Ça vaut plus en vrai. Pour clôturer, on va dire, ce petit Argus, Nicolas, je vais te donner un dernier prix. Donc, on va se focaliser sur le véhicule connu, donc la Camaro de Matt Tracker, en état nommé neuf. Donc, tu as vu un petit peu les prix. Donc, je te donne un indice chez vous. À combien tu penses que ce véhicule est coté? Alors, je te donne un indice. En loose, donc juste le véhicule, il tourne autour de 59 euros. Eh ben, je suis bien content parce que moi, je l'ai trouvé dans une trocante à 8 euros. Eh ben, très bien. Donc voilà. Et du coup, combien je mettrais ? Ben, 8 euros. Eh ben. Non, ben, alors je vais te dire 50 euros. Ben, en même temps, il me semble que ça devait être un des jouets les plus vendus. Donc peut-être qu'il n'est pas si rare que ça. Donc je vais te dire. Ouais, mais avec tes 450 euros, forcément, je vais dire 150, allez. Eh ben, tu es encore plus dans le faux, parce qu'il faudra te débourser la modique somme de 475 euros. Mais pourquoi ? Et j'ai envie de te dire, parce que... parce que... Non, moi, je suis d'accord avec Romain, c'est n'importe quoi. En fait, ça dépasse peut-être parfois notre entendement, c'est clair, mais il y a des fois aussi des causes pour des prix que nous ne comprenons pas forcément. Il suffit que ce soit une variante avec un logo qui change, et ça, les profanes ne le verront pas, tu vois, un tout petit détail qui bouge. Effectivement, ça peut faire exploser les prix. Pour du mint, donc vraiment de la sortie de carton, donc dans plus ce qu'on appelle un AFA, c'est-à-dire un boîtier en petit glace scellé dans lequel Thunder Oak ne bougera jamais, je crois que le dernier prix que j'ai vu sur eBay, c'était 960 euros. Très bien. D'accord, je reste sans voix. Mais après, j'aime bien ça, mais bon, j'en reste sans voix. Si après, le gars, papa, je peux jouer avec ? Non. Mais oui, voilà, ce ne sont pas des jouets, si tu veux. Là, ce sont des objets qui vont être scellés dans une boîte en plexiglas que tu vas garder dans le noir pour pas les abîmer parce que ça coûte trop cher. Ce type de collection, personnellement, je comprends, hein, mais ça m'intéresse pas. On l'a déjà évoqué, mais moi, ma grande fierté en tant que papa, c'est que mes enfants jouent aux jouets que j'avais quand j'étais enfant. Je peux entendre que y a un côté collection qu'il faut absolument pas toucher parce que c'était d'époque, machin, collection. La seule chose que moi je leur impose, c'est ok, vous jouez avec mes jouets, ça me fait super plaisir. En revanche, vous les remettez tels qu'ils étaient, au même endroit, même état, quand vous avez fini de jouer. Alors que je suis un petit peu moins regardant sur d'autres choses. J'ai une autre vision de la chose. Je déconseille aux gens la plupart du temps de prêter leurs jouets aux enfants. Pas parce qu'ils les abîment ou parce que c'est des objets de collection, mais que très souvent, les jouets vieillissent mal. Et du coup, on a des produits chimiques pas très cool qui ont tendance à remonter. Et également des peintures au plomb pour les masques. Par exemple, sur la figurine de Mayhem, si vous en avez une, vous verrez que ces médailles ne sont pas dorées. Et pourtant, dans les années 80, elles étaient dorées. Pourquoi ? Il ne faut pas le lécher, quoi, le casque. Hein. Voilà, c'est de la peinture au plomb. Et tout simplement, le plomb est devenu vert. Ah, mon Dieu. Donc voilà, des enfants qui n'avalent pas ou ne lèchent pas les jouets, ça pose pas de problème. Mais il faut pas oublier que ce sont des jouets des années 80 qui ont vieilli et qui, du coup, se dégradent et peuvent parfois être dangereux. Ça peut être, je sais pas moi, un ressort qui lâche et qui a un bord saillant. Ça, c'est pas hyper dangereux. Mais sur certains trucs, on peut avoir des allergies, on peut avoir des... D'accord, c'est connu ce phénomène alors. Ah, bah, tous les jouets se dégradent. Qui n'a jamais trouvé un vieux jouet en brocante un peu collant ? Oui, exact. C'est pas forcément que... Le petit Timothée avait mis de la confiture dessus il y a 10 ans. C'est que ça se voit surtout pour les jouets en latex d'ailleurs, qui ont tendance à partir en lambeaux. Il y a des jouets des années 70 par exemple qu'on ne trouve plus en bon état, qu'on ne peut plus trouver en bon état, même si on trouve une boîte jamais ouverte, tout simplement parce que le jouet s'est peu à peu dégradé. D'accord. C'est du plastique. Des jouets biodégradables. C'est dégradable. Il ne faut pas oublier non plus que le pétrole, ça coûte cher. Très souvent, on a essayé de trouver des formules un peu différentes et on se retrouve avec des jouets qui verdissent très souvent. C'est surtout le cas sur les jouets James Bond des années 70. Il y a sans doute un peu de plomb dans la peinture. Et du coup, les persos ont le visage vert. D'accord. Donc, ouais, ça vieillit mal avec le temps, alors. Ne léchez pas vos jouets vintage. C'était la conclusion. Ce sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup. Sur ce, donc évidemment, donc là, on arrive à la fin de cette émission. On a fait un joli tour, je pense, du dessin animé et de la gamme de jouets. Il y aurait tellement encore à raconter parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup d'affect. Hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le véhicule de Vanessa Warfield Forever. Tu l'as récupéré, celui-là, toi ? Oui, et oui, je l'ai en plus. Et d'ailleurs, justement, Nico, petite anecdote. Une fois, je faisais des travaux et je vais donc à la déchetterie. Et on n'était pas loin du drame. Hein. Et là, Micadette avait préparé tout plein de sacs à jeter. Je sais pas, un éclair, quelque chose, je ne sais pas. Je regarde dans le sac et là, qu'est-ce que je vois dans le sac qu'elle m'avait demandé de mettre à la déchetterie ? Le véhicule de Vanessa. Elle est jalouse. Divorce. Elle est jalouse. Direct. Elle fait tout. Bah oui, mais non, mais. Elle a, et ben depuis, le juge m'a accordé la garde des enfants. Il n'y a pas eu de débat, tout est OK. Évidemment, je blague. Donc... Et tu t'es remise avec une jeune femme rousse avec une mèche noire et un collant. Et on a monté un groupe de rock. Yeah. Ouais. Et nous, les Misfits, on est les meilleurs. Pardon, c'est Noël, excusez-moi. Donc là, on va essayer de clôturer cette émission, mais quand même. J'ai une question ultime que j'ai posée à nos auditeurs via nos différents réseaux sociaux, Twitter, 3615, 80s le podcast, etc. Est-ce que vous êtes plutôt Team Mask ou Team Venom, Romain ? Eh ben moi, je suis Team Venom, tout simplement parce qu'il y a Vanessa. Et voilà, c'est pour ça. Non mais c'est formidable. Je me permets de dire quelque chose que tu m'as échangé dans nos différents mails. Vanessa vaincra. Ah mais toujours. C'est le seul jouet, il me semble, hein, qui avait un siège éjectable. Oui, je l'ai pas, ce siège éjectable. Ah là là, mais rien que ça. Quand je jouais avec ma sœur, je calais le personnage de ma sœur, joué par ma sœur, dans la voiture, et je ne pouvais m'empêcher de la lâcher au-dessus du lavabo, genre de choses. L'abandonner lâchement, c'était jouissif. Quel personnage, quel... Et puis être méchant, c'est toujours plus cool. Exactement, mais voilà. Donc moi, je vais pas rebondir parce que je suis exactement du même avis que Romain. Donc je vais donner quelques citations de nos auditeurs et après je te passerai la main, Nico. Donc on a Yanoche qui nous dit Team Venom pour moi. On a un Daf Pakoun qui nous dit Team Venom rien que pour l'avion de Mayhem. Ça, c'est vrai qu'il avait la grande classe. On en a parlé. On a Yashide qui dit ah dur de choisir. Il y a des véhicules terribles dans les deux camps. Mes préférés sont Hurricane et Manta, donc Manta, hein, on en a parlé. Question de couleur. On a PPX32, là, ça sent un pseudo ICQ, ça, qui nous dit « Team Mask, j'avais la moto verte et je voulais la voiture qui se transforme. » Alors, si tu nous écoutes, oui, mais quel mot ? Parce que la voiture qui se transforme, je pense que c'est à peu près toute la gamme de jouets. On a un certain TMDJC que nous avons le plaisir de recevoir à peu près 3, 4 fois, 10 fois par an, qui nous dit l'hélicoptère avion, plus fort que la voiture qui vole avec ses portes. Classe. On a Olive qui nous dit Team Mask, j'avais la voiture de Matt et Matt, c'était trop bien avec les portes ailes. On a Sénécal Alexandre qui nous dit la Team Mask qui est co-créé par Mayhem, c'est vrai que ça on n'en a pas parlé, mais dans un épisode je crois, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on n'a pas souligné, mais avec la gamme de jouets, je crois qu'il y avait un comics qui était livré avec, qui racontait un petit peu le background des personnages qui n'était absolument pas développé dans le dessin animé. Est-ce que je me trompe, Romain ? Alors, il me semble que oui, il y a eu des comics publicitaires, on peut dire ça comme ça, à vocation publicitaire. Il y a eu également plusieurs séries de comics, il me semble, sorties chez Marvel, qui sont plutôt sympas, et l'une d'entre elles vient de reprendre cette année. Donc, si vous voulez relire du Masque, vous pouvez. Vous pourrez même en commander assez facilement. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt sympa, c'est un joli retour. C'est beau. On a donc Dominique qui nous dit l'hélico a quand même la classe, donc l'hélico revient très régulièrement. On a Tommy Albarello qui nous dit « Je n'ai jamais eu de jouet masque, mais si d'un côté j'adorais la moto qui se transforme en hélico, donc ça revient vraiment régulièrement, côté masque, l'hélicoptère qui devenait un avion était trop classe. » Et il dit « Pour une fois, je vais retourner ma veste, je vais dire Team Venom. » Donc on a Vincent Martini qui nous dit « Masque qui est revenu en comics aujourd'hui, donc c'est ce que tu citais, Romain. » Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on a un Happy Emile qui nous dit « T-Bob Forever. » Et là, je dis « Je valide. » La team T-Bob, il est tout seul. La team T-Bob. Il est tout seul, tout le monde lui tire dessus. C'est vrai, on lui jetait des cailloux à T-Bob. J'ai des cailloux. Donc, cette émission un petit peu de Noël touche à sa fin. Donc, j'espère que dans votre belle année de 1986, sous l'arbre de Noël, vous avez eu des jouets masques. Romain, encore une fois, au nom de l'iTeam, un grand, grand, grand merci de venir parler de cette passion qui est les jouets de la gamme masque. Est-ce qu'on peut te retrouver au-delà de ta chaîne YouTube ? Donc, si tu peux nous donner les adresses et les différents réseaux sociaux où on peut te retrouver. Alors, effectivement, on peut me retrouver sur la chaîne Archéotop. Également sur la page Archéotoys sur Facebook, on a également un petit Twitter. C'est une chaîne qui va s'étoffer petit à petit, puisqu'au-delà simple jouet, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la place du ludique dans notre monde. Pourquoi est-ce que toutes les grandes licences actuelles, Avengers, Star Wars, au final, ne sont que des revivals de gamme de jouets d'il y a 30 ans? Est-ce qu'au final, on n'est pas les mêmes que ce que nous étions enfants ? On mange la même chose, c'est assez terrible. On a arrêté de bouffer des céréales au petit-déj, et pourtant, je consomme toujours les mêmes héros, peu d'une manière un peu différente, la culture jouet est devenue la culture pop. En tout cas, moi je sais que j'avais particulièrement apprécié ta vidéo sur où tu parles justement des super-héros. J'étais assez content de te dire que j'avais un Captain America de je ne sais plus quelle marque, malheureusement tu vas me corriger, mais je te confirme, la peinture est complètement délavée depuis l'époque. Alors effectivement, tu m'avais envoyé une photo d'un Captain America Secret Wars Mattel. Excellent. De 1984, et je fais ça de tête. Non, mais tu as raison. Ouais. Et il me semble, vu les finitions, il est possible que ce soit un Made in France. Ah. Tu regarderas sur ses fesses. Évidemment. Ouais. Il a sans doute été fabriqué à Oyonnax, dans la vallée du plastique, donc dans l'est de la France. D'accord, ah oui, jusqu'au bout. J'ai plus d'arguments là. Fais-moi visiter ton grenier, je te présente tous les objets. Ah, c'est extraordinaire. Donc, encore une fois, merci. Je vous dis à très très vite pour une prochaine émission. Peut-être, comme vous l'avez entendu, ça sera les Mystérieuses Cités d'Or. Nico, merci de t'être incrusté, parce que je pense que t'avais vachement envie de papoter. Avec plaisir, toujours là. J'aime bien quand tu me dis 2 heures avant, je peux venir, j'ai rien à raconter. Oui, Nico, on sait que t'as jamais rien à raconter. On va se quitter, je vais vous proposer, donc on connaît le cultissime générique Masque, mais la version américaine est également hautement de qualité, donc on va se quitter sur le générique US. À très bientôt et passez de bonnes fêtes à tous. Ciao, ciao. Bye bye. Joyeux Noël.